Tiden m'a pas appelé rien, sinon cette forme étrange et mince. Mais c'est toujours la même erreur. L'illusion du début, c'est à vous dégoûter d'être tendre, de taper sur les gens qu'on aime. Il ne m'apparaît plus rien, sinon cette forme étrange et mince. Et le reste ne me concerne plus, le mystère hélas de tant de cynisme. Car si j'étais assez lâche pour te laisser prendre mon cœur, c'est pour manier si bien la blague et le tout, que les bras t'en tombaient. Il ne m'a pas appelé rien, sinon cette forme étrange et mince. Et le reste ne me concerne plus, c'est ça hélas de tout chien battu. C'est à vous dégoûter d'être tendre, de taper sur les gens qu'on aime. Car si j'étais assez lâche pour te laisser prendre mon cœur, c'est pour manier si bien la blague et le doute, que les bras tendent.